Par Victor Hugo. Lettre à Juliette Drouet, 26 février 1838. Dimanche, 11 h. Je vous aime plus que jamais. Mettez cela dans votre jolie petite tête, et si cela vous contrarie, j'en suis fâchée. C'est bien vrai, mon ange, je ne t'ai jamais aimé comme à présent. Autrefois, il n'y avait entre nous que l'avenir, maintenant, il y a le passé. Et quel passé que le tien, pauvre ami! 5 années d'amour, d'abnégation, de dévouement, de résignation et de courage. Vraiment, je te le dis du fond du cœur, je ne connais pas de vertu plus noble et plus complète que la tienne. Quelle charmante lettre tu m'écris tous les jours, et que celle d'hier soir était bonne et adorable. Tes lettres, ma Juliette, c'est mon trésor, mon écrin, ma richesse. Notre vie est là, déposée jour par jour, pensée par pensée. Tout ce que tu as rêvé est là, tout ce que tu as souffert est là. Ce sont autant de petits miroirs charmants dont chacun reflète un côté de ta belle âme. Je t'écris ces quelques lignes à la hâte. Il faut que je parte pour la répétition. Ne t'effarouche pas de me voir revenir en habit. Je ferai, en sortant du théâtre, une petite visite indispensable à Madame de Ségur. Ne me gronde pas, ma bien-aimée, tout ce qui n'est pas toi m'ennuie tant. Cela ne vaut pas la peine d'être grondé par-dessus le marché. À tantôt, je baise, belle bouche, mille fois, à condition que pour chaque baiser, elle me rendra un sourire. Je t'aime, tu es ma vie. Timbre postal, 26 février 1838. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net.